franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, et au lendemain de la mort d'Ahmed Kathrada, compagnon de cellule de Mandela dans la prison de Robben Island, retour sur la vie et l'œuvre de Nelson Mandela. Libéré le 11 février 1991, il était le plus ancien et le plus célèbre des prisonniers politiques. Un homme dont on avait fini par oublier le visage, mais dont on continuait à se rappeler le nom. Combattant infatigable de la paix, Nelson Mandela était devenu, au fil du temps, le symbole de la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Un système qui a séparé, déshumanisé la majorité de la population noire au profit de la minorité blanche pendant près de 50 ans. Malgré les pressions grandissantes de la communauté internationale, la captivité de Nelson Mandela va durer 27 ans, 6 mois et 6 jours. Plus d'un quart de siècle d'enfermement, d'isolement et de privation d'intimité dans la tristement célèbre prison de Robben Island. Un bagne insalubre où les autorités de Pretoria ont tenté de faire disparaître Mandela derrière le matricule 46-664. Mais c'était sans compter sur la ténacité du prisonnier, ce vieux lion, futur père de la nation arc-en-ciel. Car malgré les années, il n'a jamais abandonné l'espoir de sortir un jour. Au contraire, il continuait à rêver en secret du jour où il viendrait réconcilier les Noirs et les Blancs d'Afrique du Sud. Après le récit, nous donnerons la parole à Jean Guilouanneau, historien spécialiste de la société sud-africaine. Il est l'auteur d'une biographie de référence sur le parcours de Mandela, parue aux éditions Payot en 2004. Jean Guilouanneau fut aussi un témoin privilégié de cette histoire, car il a participé à la traduction de l'autobiographie de Mandela. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrard, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale et illustration sonore Fabrice Lègle, pardon, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Léo Prangère. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Dimanche 11 février 1990, le monde entier retient son souffle. Partout sur la planète, des millions de personnes ont les yeux tournés vers l'Afrique du Sud et plus précisément vers la ville du Cap. Là, à l'extrême sud du continent noir, à plus de 9000 km de la France, l'histoire s'apprête à écrire l'une de ses plus belles pages. Depuis le début de la matinée, il règne partout dans le pays une extrême tension. Devant les grilles du poste de garde de la prison de Paarl, en périphérie de la ville du Cap, plusieurs milliers de personnes se rassemblent. Ici, à l'abri des regards, l'un des plus célèbres prisonniers politiques de l'histoire vient de passer sa dernière nuit en détention. Sa sortie ne doit intervenir qu'à 15h, heure locale. Mais déjà, une marée humaine envahit la route qui mène à la prison. Sur plusieurs kilomètres, les gens chantent et dansent. Certains d'entre eux ont traversé tout le pays pour être là et vivre ce moment que beaucoup qualifient d'historique. Autre anecdote qui en dit long sur l'importance de cette libération, une grande partie de la population présente aux abords de la prison est jeune. Pour la plupart, ils n'étaient pas nés tous ces gens lorsque la personne qu'on s'apprête à libérer est entrée en détention en 1962. La nouvelle de la libération de ce vieil homme de 71 ans connaît un retentissement planétaire. Car à l'époque, rien ne laisse présager qu'elle interviendrait à ce moment précis, après tant d'années de lutte. La surprise est d'autant plus grande que c'est le président du pays, Frédéric de Clercq, qui l'annonce au pays lors d'une intervention historique sur les ondes de la radio nationale la veille. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m. Je suis maintenant en mesure d'annoncer que Nelson Mandela sera libéré demain, dimanche, vers 15h, à la porte de la prison Victor Verster. Impensable, il y a encore quelques années, la nouvelle de la libération imminente de Nelson Mandela fait immédiatement le tour du pays. Malgré les appels répétés au calme, des troubles éclatent dans les townships, ces quartiers pauvres et insalubres en bordure des grandes villes. Des endroits où est parquée, comme du bétail, la population noire d'Afrique du Sud. La police blanche est prise à partie par des jeunes manifestants noirs. Plusieurs fusillades éclatent. Un premier bilan fait état de 14 morts et de plus d'une centaine de blessés. Dans le même temps, l'agitation gagne certains quartiers blancs des villes sud-africaines. Sur place, plusieurs dizaines de personnes manifestent contre la libération de celui qu'elles considèrent comme un terroriste noir. Sur les ondes radio de la communauté blanche, plusieurs leaders fanatiques lancent des menaces de mort contre Mandela. Voilà pour l'ambiance. Devant la prison de Paarl, ce dimanche 11 février 1990, les heures passent. Dans cette foule, on compte plus d'une centaine de journalistes et de caméramans venus du monde entier. Parmi eux, l'envoyé spécial de France Inter, Pascal Chollet. À quelques mètres de grille, elle raconte. En plein soleil, face à la prison de Victor Verster, une petite foule aux couleurs de l'ANC, le Congrès national africain que dirigeait Nelson Mandela, attend. Les gens chantent et dansent. Les drapeaux verts, jaunes et noirs font face aux gardiens de la prison. Sur la pancarte d'entrée, des photographes sont prêts à emmagasiner la seconde historique à laquelle Nelson Mandela sortira de la prison après 27 ans de détention. Jamais prison sud-africaine n'avait connu une telle ambiance. Soudain, un homme s'écrie « Il est 15h, il va sortir !» Tous les regards se tournent alors vers les grilles du poste de garde. Mais celle-ci reste pour le moment fermée. Les gardiens, armes à la main, demeurent immobiles. Au loin, le centre pénitentiaire reste silencieux. Les autorités de Pretoria et le président de Klerk auraient-ils changé d'avis? Les formalités de lever l'écrou seraient-elles plus longues que prévues ou bien Mandela va-t-il devoir attendre, lui qui croupit dans les geôles des prisons sud-africaines depuis plus d'un quart de siècle? Sur place, devant le pénitentiaire, la tension monte d'un cran. On craint désormais que la situation ne dégénère. Plusieurs dizaines de policiers arrivent en renfort. De leur côté, les membres du service de sécurité de l'ANC, l'organisation politique nationaliste noire, tentent de canaliser les débordements. Mais face aux grilles, la foule gronde. Elle réclame Mandela. Elle hurle Madiba, Madiba. Surnom affectueux qu'elle donne à ce vieil homme, héros de la lutte politique pour les droits et l'égalité dans son pays. À 16h, enfin, on aperçoit au loin, derrière les grilles, un convoi de véhicules. À mesure qu'il s'approche, la barrière du poste de garde s'ouvre. Mais à 400 mètres de la sortie, les voitures s'arrêtent. Que se passe-t-il? Devant la prison, pendant quelques instants, il flotte dans l'air une fébrilité, une incertitude, une tension difficile à décrire. Personne ne comprend exactement ce qui se joue un peu plus loin. À la jumelle, l'un des responsables de l'ANC observe la scène. Soudain, l'homme crie « Il sort de voiture, je les vois !» Au loin, on aperçoit en effet deux silhouettes, main dans la main, entourées par un nombre impressionnant de surveillants, de policiers, de responsables de l'ANC. Les caméras des journalistes zooment sur eux. En direct à la télévision, on découvre alors, et en gros plan, le visage d'une femme d'une cinquantaine d'années. Il s'agit de Winnie Mandela, l'épouse de l'ancien leader de l'ANC. À sa droite se tient un homme de grande taille. Il porte un élégant costume, ses cheveux sont gris, il a le dos légèrement voûté. Premier constat, il ne ressemble plus aux photos qu'on avait gardées de lui dans les années 60. Non, bien sûr, il a vieilli. Mais quand on le regarde, les traits de son visage ne laissent planer aucun doute. Il s'agit bien de Nelson Mandela. Avec calme, le héros de la lutte anti-apartheid marche et fait signe à la foule. Lui qui avait confié à ses proches vouloir sortir de prison comme un simple citoyen, il est accueilli comme un chef d'État. Dans une émotion populaire considérable, il tente d'avancer, mais la foule se fait de plus en plus pressante. Et très vite, la situation bascule, comme en témoigne Pascal Chollet. 5 motards sont venus chercher Nelson Mandela à sa sortie de prison, mais lorsqu'il est sorti, main dans la main avec Winnie, en levant le poing de la victoire, le poing de la libération, il a dû vite fait faire demi-tour parce que la foule a failli vraiment l'approcher de trop près, a failli le lâcher de bonheur, de plaisir. Donc il est retourné en prison quelques minutes, le temps de sauter dans sa voiture. Là, un cortège est parti vraiment à toute vitesse avec ses motards qui empêchaient la presse de suivre la voiture de Nelson Mandela. Zinzi, sa fille, était derrière, mais aussi Walter Sisulu, tous ses amis de l'ANC qui avaient été emprisonnés avec lui. Et ça a été un long cortège tout le long de l'autoroute jusqu'au centre du Cap. Dans sa voiture, Nelson Mandela est le témoin impuissant et stupéfait de ces scènes de liesse. Après un trajet de plus d'une heure et demie, ralenti à de nombreuses reprises par la présence d'une foule dense et compacte, il arrive avec son épouse à l'hôtel de ville du Cap. Sur la grande esplanade, ses partisans hissent un grand drapeau de l'ANC. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à attendre qu'il s'exprime. Paradoxe de la situation, Mandela, tout juste libéré, se retrouve alors prisonnier dans sa propre voiture. Autour de lui, la foule l'empêche de descendre. Lui, les gens veulent le toucher, tous veulent le voir. Et il faut l'intervention de plusieurs cadres de l'ANC au micro pour qu'enfin la foule recule et que le service d'ordre puisse évacuer le couple Mandela vers les salons de l'hôtel de ville. Preuve de la tension, voire l'excitation qui règne sur place, on entend au loin et à plusieurs reprises des coups de feu. À quelques centaines de mètres de là, en effet, à côté de la gare centrale, la police tire au même moment à balles réelles sur des groupes de pilleurs. Parmi les membres de l'ANC, l'inquiétude grandit. La foule est très nombreuse, trop peut-être. Si jamais la police venait à tirer à nouveau, il pourrait y avoir un mouvement de panique et les conséquences pourraient être désastreuses. Fort heureusement, aucun scénario catastrophe ne viendra endeuiller cette journée ô combien symbolique pour les Sud-Africains. Sur la grande esplanade, face à l'hôtel de ville, les gens restent calmes, car la seule chose qu'ils veulent, et qu'ils veulent voir, c'est un homme, et c'est Mandela. À 19h40, alors que le soleil se couche sur la ville du Cap, l'ancien chef de l'ANC apparaît enfin au balcon de l'hôtel de ville. La foule qui attend depuis plusieurs heures applaudit sans interruption. Lorsque Mandela lève le poing vers le ciel, les cris redoublent. À ses côtés, un membre de l'ANC prend le micro et crie « Amandla », ce qui signifie « le pouvoir » en Zoulou. « Ngabwetu, au peuple », répond en chœur l'assistance. Puis, d'une voix ferme, Mandela prend la parole et prononce ses premiers mots d'homme libre et de conscience noire dont il est le symbole, l'incarnation politique, le porte-drapeau. Amanda ! Voilà, nous entendons Nelson Mandela qui, voilà quelques minutes, au Cap, arrive devant la foule. Et la salue en Zoulou. C'était il y a à peine 10 minutes au Cap. Friends, comrades, mes chers amis, chers camarades and fellow South Africans, et compatriotes sud-africains, I greet you all, je vous remercie tous in the name of peace, au nom de la paix, democracy and freedom for all, de la démocratie et de la liberté pour tous. I stand here. Before you, je me tiens ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple. À la fin de cette journée historique, l'émotion est planétaire. Oui, partout dans le monde, les commentaires sont nombreux. Parmi les premiers à s'exprimer sur le sujet, on entend le président François Mitterrand. Depuis l'Élysée, il salue par communiqué une décision solennelle qui permet à l'Afrique du Sud d'entrer dans la marche de l'histoire, pour reprendre ses mots. Autre responsable politique qui monte au créneau, le président américain George Bush, père. Dans un discours à la Maison-Blanche, il salue le premier pas décisif franchi par le président de Klerk pour la levée des sanctions économiques contre son pays. Cela fait déjà plusieurs années, en effet, que le gouvernement réformiste de Pretoria songe à relâcher l'ancien leader de l'ANC. Parce que c'est précisément le cas Mandela qui a mis l'Afrique du Sud au banc des nations depuis presque une décennie. Placé sous embargo par les États-Unis et l'Europe, ce pays vit une situation économique difficile. Épuisé, il est en quasi-autarcie. Dans certaines régions, on manque de médicaments, de biens de consommation et parfois de gaz et de pétrole. À cela s'ajoutent les concerts de manifestations de soutien à Mandela, toujours plus grands, qui se succèdent partout à travers le monde, chaque événement étant l'occasion de critiquer un peu plus l'image du pays et de ses dirigeants. Au point que dans la presse et dans les magazines, on compare son système d'apartheid à un équivalent moderne des doctrines du régime nazi. Bref, ce pays est infréquentable et le prix de sa mauvaise réputation est décidément trop élevé. En libérant Mandela, le gouvernement sud-africain saisit donc l'occasion de montrer au monde un nouveau visage, tout en faisant de l'ancien leader de l'ANC un intermédiaire de choix pour les futures négociations et pour le dialogue avec le mouvement nationaliste noir. Mais comme le précise le journaliste Michel Barthélémy sur France Inter, cette libération ne signifie pas pour autant liberté. Sans être rabat-joie, il faut dire quand même ce soir que si Nelson Mandela est libéré, il n'est pas libre. C'est le terroriste Mandela, le nationaliste noir, qui après 27 ans de prison retrouve aujourd'hui une liberté de mouvement. toujours balisé par le pouvoir blanc, l'état d'urgence, l'apartheid. Et c'est maintenant seulement que le héros Mandela, bombardé médiateur par un président blanc, va devoir guider la majorité noire sur le chemin de la liberté, la vraie, celle qui inclut la dignité, le droit de vote, la fin de la ségrégation raciale, le statut de citoyen à part entière pour tous dans une société de droit. Si, comme les émeutes de ces dernières 24 heures semblent le montrer, il y a, latent, la possibilité d'une révolution violente. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est dans une prison blanche que Nelson Mandela a préparé la transition tranquille de l'Afrique du Sud. Il devra dès ce soir confronter son projet à une réalité qu'il a quittée il y a un quart de siècle, se défendre aussi devant les extrémistes noirs de n'être qu'une marionnette des blancs. Légitimer sa position auprès de la communauté noire et dans le même temps convaincre la population blanche qu'il peut être une alternative crédible à une transition politique, Mandela le sait, la tâche... Sa tâche s'annonce immense, et il le sait aussi, l'avenir de la nation sud-africaine passe par un effort de réconciliation nationale. Deux jours plus tard, mardi 13 février, plus de 100 000 personnes sont réunies au grand stade de Soweto dans la banlieue de Johannesburg. C'est ici que Nelson Mandela doit tenir son premier grand rassemblement public. Dans les rangs de l'ANC, on explique que le leader noir veut poser la première pierre d'une nouvelle politique sud-africaine. À peine arrivé sur la grande scène, il est acclamé par la foule pendant plus d'un quart d'heure. Les mains levées, comme le veut la tradition militante, les gens crient « Madiba, Madiba ». Mandela n'est décidément pas un représentant politique comme les autres. Non, il est un héros, le héros de tout un peuple. Mais l'image de ce grand rassemblement est à chercher ailleurs. Dans cette Afrique du Sud, qui vit toujours au rythme des lois de l'apartheid, il se produit au grand stade de Soweto quelque chose d'exceptionnel. Dans la foule, on distingue des personnes noires, bien sûr, mais aussi des personnes blanches, toutes rassemblées pour écouter un seul et même homme. Ce n'était plus arrivé en Afrique du Sud depuis plus d'un demi-siècle. Thank you. Merci beaucoup à vous tous. Thank you. Merci à vous de m'avoir soutenu. Because en choisissant de dire non au système de domination de la minorité blanche, vous avez montré que l'humanité ne peut plus continuer à vivre avec ce régime de tyrannie raciale. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus à vous joindre à cette victoire historique. Puis Mandela poursuit son discours par des mots lourds de sens. « Je ne me tiens pas devant vous aujourd'hui avec une volonté de revanche, dit-il. Avant d'ajouter d'un ton grave, je suis venu ici pour vous dire que pendant mes 27 années de détention, j'ai fait toutes les nuits le même rêve, celui de voir un jour notre pays, l'Afrique du Sud, un pays dans lequel les Blancs et les Noirs habiteraient ensemble, avec les mêmes droits et sans aucune discrimination. » La foule applaudit à tout rompre. Retransmises dans le monde entier, les images et les paroles du chef de file dans la lutte anti-apartheid constituent un véritable message d'espoir. À l'image du défi que cet homme de 71 ans s'apprête à relever. Mandela peut-il y arriver? Et surtout, d'où lui vient cette force et cette ambition de vouloir réconcilier son pays? L'histoire de Nelson Mandela commence en 1918 dans une tribu isolée, les Tembu, de la province du Transkei, aujourd'hui Cap-Oriental, en Afrique du Sud bien sûr. Premier fils d'un conseiller du chef de clan, il reçoit une éducation très traditionnelle. Jusqu'au jour où son père meurt. Et là, la destinée du jeune Mandela bascule. Il découvre l'école et il découvre aussi la négation de son histoire personnelle. Lors de son premier jour en classe, son institutrice lui demande de changer de prénom. Lui, que ses parents avaient nommé Rolly Lala, s'appellera désormais Nelson, en hommage à l'amiral britannique, vainqueur de la célèbre bataille de Trafalgar contre l'empereur Napoléon. Les années passent et le jeune Nelson poursuit une éducation sans anicroche dans une école où, selon ses propres mots, on lui apprend à être un noir de l'élite. Oui, un noir qui servirait un jour les blancs. C'est durant la première partie du XXe siècle, on ne parle pas encore d'un régime d'apartheid, l'Afrique du Sud vit déjà sous une très nette domination blanche. Et comme l'explique l'historien Dominique Lapierre, la situation effectivement n'est pas nouvelle. Les premiers blancs qui sont arrivés à l'extrême pointe de l'Afrique n'étaient pas des conquérants, c'était des planteurs de salade. Ils avaient été envoyés par la compagnie néerlandaise mercantile d'Amsterdam pour planter des salades afin de donner des vitamines aux équipages des bateaux qui faisaient la course des épices et qui mouraient du scorbut. Ils avaient d'ailleurs interdiction absolue de se tourner vers l'Afrique. Pas question de conquérir quoi que ce soit. Même ils avaient l'interdiction de parler aux quelques Noirs que peut-être, occasionnellement, ils allaient rencontrer. Et puis un jour, parce qu'ils étaient calvinistes, parce qu'on leur avait dit dans leur religion qu'ils appartenaient à un peuple supérieur, destiné à régner sur le monde, ils ont armé des chariots, embarqué leur famille, et ils sont partis à l'intérieur du continent, et ça va être 3 siècles d'une tumultueuse, féroce, extraordinaire épopée. Une épopée qui se traduit dans les années 30 par une hiérarchisation sociale sans faille. Les Blancs ont beau être très minoritaires dans la société sud-africaine, ils contrôlent tous les pouvoirs. Les Noirs, eux, sont cantonnés aux tâches subalternes et à l'asservissement. Durant ses années à l'université, dans le nord du Cap, la seule qui accepte des Noirs dans le pays, Nelson Mandela est confronté à cette ségrégation. Comment pourrait-il y échapper? En parallèle de ses études de droit et d'histoire, il s'investit dans l'action étudiante, ce qui lui vaut d'être un jour renvoyé de l'université pour avoir défendu l'un de ses camarades noirs. Ici s'écrivent les premières lignes de la conscience politique de celui qui sera bien plus tard l'un des chefs de file de la lutte anti-apartheid. Par la suite, diplôme de droit en poche, Mandela quitte sa région natale et part travailler à Johannesburg en 1941. Capitale économique du pays, Joburg, comme on la surnomme, lui éveillera une seconde fois la conscience. Car celui qui rêvait de découvrir la ville et sa prospérité se heurte à des scènes d'inégalité entre blancs et noirs, flagrants et inacceptables. Ici, les noirs sont au service des blancs et les blancs se servent des noirs. L'image restera jamais gravée dans la mémoire de Nelson Mandela. Quelques années plus tard, en 1943, il se lie d'amitié avec Walter Sisulu, un membre éminent de l'ANC, le Congrès National Africain, parti nationaliste noir d'Afrique du Sud. Il intègre à son tour le parti et c'est le début, pour lui, du combat politique pour l'égalité des droits. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde découvre les premières luttes pour l'indépendance et la décolonisation, l'Afrique du Sud, elle bascule dans l'obscurantisme. En 1948, son régime, emmené par Hendrik Verwoerde, franchit un cap décisif dans la différenciation entre blancs et noirs. Une étape que l'on appellera bientôt apartheid. Notre politique, appelée apartheid, d'après un mot afrikaner, a souvent été mal comprise. On pourrait tout aussi bien et même mieux la décrire comme une politique de bon voisinage. Acceptons que des différences existent entre les peuples. Malgré ces différences, qu'il nous faut admettre, nous pouvons tout de même vivre ensemble, nous entraider. Mais nous n'y parviendrons que si chacun respecte les règles, comme c'est le cas dans ce qu'on appelle le bon voisinage. Un bon voisinage qui repose sur une série de lois raciales. des principes directement puisés et inspirés du régime nazi, disent certains. Théoricien avisé, Hendrik Verwoerd fait basculer son pays dans une logique de séparation et de cloisonnement extrême. Les 25 millions de Noirs que compte l'Afrique du Sud n'ont désormais plus aucun contact avec les 4 millions de Blancs. C'est pour atteindre cet objectif qu'ont créé les townships, ces gigantesques bidonvilles, des endroits où l'on déplace et on installe plusieurs millions de Noirs à proximité des villes. D'ailleurs, on met en place, au centre des villes, une cartographie où on interdit l'accès de certains quartiers aux non-blancs. Apparaissent aussi, dans les rues et dans les espaces publics, ces panneaux qui glaceront le sang des quelques touristes étrangers. À l'entrée de certains restaurants, en effet, il est écrit « Ici, les chiens sont interdits » et une ligne en dessous, tout comme les gens de couleur. Cette situation révolte et indigne Mandela. Dans le cadre de ses activités à l'ANC, il se met davantage en première ligne. Il participe aux opérations de boycott des bus, il défile au premier rang dans les manifestations. Pour la communauté noire, il devient vite une figure de proue du mouvement. D'autant qu'il parle bien, qu'il s'habille bien, qu'il présente bien. Il a déjà tout du parfait symbole. Et pour les autorités politiques de Pretoria, bien sûr, il dérange. Intervient alors en 1961 le drame de Sharpeville. Ce jour-là, des milliers d'étudiants noirs manifestent contre l'apartheid. La marche se déroule dans le calme. Mais à proximité d'un commissariat, de policiers blancs prennent peur et tirent sur les manifestants. On dénombre 60 morts et une centaine de blessés. De cet épisode, Mandela comprend qu'une lutte non violente ne pourra jamais aboutir. Alors, il participe à la création d'une unité secrète de l'ANC en charge des opérations de sabotage et de lutte armée. L'ancien avocat passe désormais dans la clandestinité. Il voyage en Afrique pour découvrir les pays qui viennent d'obtenir leur indépendance. À son retour, il est arrêté, puis condamné à 5 ans de prison pour fait de grève. En 1964, lors de son second procès, il est condamné pour trahison. Avant d'énoncer les verdicts, il prend la parole face au tribunal et prononce l'un de ses plus grands discours. L'Afrique du Sud est le pays le plus riche d'Afrique. Et elle pourrait être un des pays les plus riches au monde. Mais c'est une terre d'extrêmes et de contrastes saisissants. Les Blancs profitent de la meilleure qualité de vie au monde quand les Africains noirs vivent dans la pauvreté et la misère. Je me suis battu contre la domination des Blancs. Mais aussi contre la domination des Noirs. Moi, je soutiens l'idéal d'une société pacifique, libre et démocratique, dans laquelle toutes les personnes pourraient vivre ensemble, en harmonie et avec les mêmes droits. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et le voir se réaliser. Mais, si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Mandela échappe à la mort, mais il est condamné à vivre derrière les barreaux. On l'envoie purger sa peine à perpétuité dans la terrible prison de Robben Island, sur une petite île au large de la ville du Cap. Là, dans ce bagne insalubre et isolé, sous le matricule 46664, il vit des conditions épouvantables de vie. Pour le régime de l'apartheid, l'objectif consiste à le faire disparaître et que les gens l'oublient. Il n'a droit qu'à une lettre tous les 6 mois. C'est la mort à petit feu. Au bout de 2 ans d'enfermement, on lui permet enfin une première visite. Derrière le prisme d'une glace déformante, il aperçoit le visage de sa femme, où il nie pendant 30 minutes. De chaque côté, les gardiens les entourent et les épient. C'est à ce moment précis que Nelson Mandela va révéler la force de caractère et la détermination qui sont la sienne. Certains auraient pu sombrer en détention. Lui, au contraire, se renforce jour après jour. À Robben Island, il apprend l'afrikaner, la langue des Blancs et des gardiens. Il se lie même d'amitié avec l'un d'entre eux. Au fil du temps, ses conditions s'améliorent. Progressivement, on lui donne quelques meubles et quelques livres. Il tente de s'instruire toujours plus et de réfléchir sur l'avenir de la nation sud-africaine. Et là, il comprend. Oui, il comprend qu'à la différence de tous les autres pays d'Afrique, les Blancs ne sont plus des colons. Ils n'ont aucun autre endroit où aller. Alors, il en conclut que la seule possibilité pour en finir avec l'apartheid, c'est de rassembler Blancs et Noirs sous un même et unique drapeau. Au début des années 80, le nom de Nelson Mandela devient, malgré lui, le symbole d'une lutte des mouvements pacifiques en Europe et aux États-Unis. Des chanteurs, des acteurs et même des responsables politiques prennent fait et cause pour lui et donc contre l'apartheid. L'Afrique du Sud devient la cible des critiques. Partout dans la presse circulent les photos des répressions sanglantes qui s'y déroulent lors des manifestations. À cela s'ajoutent les images des townships, ces ghettos noirs, dont certains comme Soweto regroupent plus de 2 millions de personnes. De son côté, l'archevêque anglican Desmond Tutu joue le rôle de porte-parole du mouvement de contestation. Dans les années qui suivent, plusieurs États votent un boycott des produits venant d'Afrique du Sud. Le pays se retrouve au banc des nations. Puis, c'est un embargo sur les importations qui vient le priver de tout contact commercial avec l'extérieur. En 1982, face à la pression internationale, le gouvernement de Pretoria transfère Nelson Mandela dans une autre prison, à Poelsmuir. Commence alors d'intenses négociations. Mais à chaque fois, l'ex-leader de l'ANC refuse d'abandonner son combat politique en échange d'une éventuelle libération. En 1989, le réformiste Frédéric de Klerk devient premier ministre d'Afrique du Sud. Commencent alors les premières vagues de libération des responsables de l'ANC. Puis, c'est l'ANC elle-même qui est de nouveau autorisée. Et c'est dans cet élan d'ouverture qu'intervient la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Voici venu le jour que nous avons attendu depuis plus de 300 ans. Voici venu le jour de la libération pour chacun d'entre nous, les Blancs et les Noirs, ensemble. Le 9 mai 1994, l'Afrique du Sud vit un nouveau tournant historique. Mandela devient le premier président noir de l'histoire du pays, le premier homme de couleur à diriger la nation depuis 300 ans. 6 mois plus tôt, il obtenait en compagnie de Frédéric de Klerk le prestigieux prix Nobel de la paix pour leurs efforts conjoints. Malgré l'émotion et l'espoir que son élection suscite, il comprend vite qu'il ne pourra pas régler en quelques années des problèmes ancrés dans la société depuis plusieurs décennies. Durant son mandat, parmi ses principaux faits d'armes, il abolit la peine de mort, signe une nouvelle constitution qui met un terme à l'apartheid, et il lance ce qui sera son plus grand chantier, la Commission Vérité et Réconciliation. Une structure dont l'objectif est de permettre aux Sud-Africains, qu'ils soient noirs ou blancs, d'avancer ensemble, sur le chemin du vivre, ensemble. Retraité de la vie politique en 1999, Nelson Mandela reste une figure tutélaire pour les Sud-Africains. Il est un guide, un sage toujours en mission. Sa disparition en décembre 2013, à l'âge de 95 ans, suscite un émoi planétaire. Bonango Mandela Tina, la pekona, la pefeli kona. Hasi bonango Mandela Tina, la pekona, la pefeli kona. Between you and me. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la vie et l'œuvre de Nelson Mandela, libéré de prison en février 1990. Notre invité, Jean-Guy Loineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la société sud-africaine, auteur d'une biographie de référence sur le parcours de Mandela. C'était aux éditions Payot en 2004. Vous avez aussi été un témoin privilégié de cette histoire, car en tant que traducteur, eh bien, vous avez rencontré Nelson Mandela deux fois. Puisque vous l'avez rencontré, après tout, on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a rencontré Nelson Mandela. Quel homme était-il? L'homme, juste parlez-moi de l'homme. D'abord, il était très grand, impressionnant. Je l'ai rencontré à Paris en 90, quand il est venu en juin 90. Et c'était à la Fondation France Liberté. Il y avait Breitenbach, qui était mon intermédiaire. Et il y a eu quelque chose de marrant. J'ai commencé à lui parler comme ça, que j'avais fait une biographie, que je m'intéressais à l'Afrique du Sud. Et j'ai vu qu'il ne m'écoutait pas. Pourquoi ? Parce que il devait aller manger avec le président de la République, il avait rencontré le président du Sénat, et c'est un chef d'État qui n'avait pas de fonction, même pas le droit de vote dans son pays. Mais et là, je lui ai dit, je suis allé à Kounou et à Mkekezweni. Et alors là, c'est les deux villages de l'enfance. Ah. J'ai vu ses yeux se poser sur moi. Et j'ai cru qu'il allait me dire, mais fallait pas vous déranger. Et il m'a donné une grande claque sur l'épaule. Et alors là, on a commencé à parler un petit peu, quoi. C'était, il y avait à la fois le côté, comme ça, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique du Sud. Et puis, il y avait tout d'un coup un homme qui se souvenait de son village, pas natal, mais où il est arrivé quand il avait un an, où il a vécu pendant 10 ans, qui est Kounou, où il s'est fait construire une maison. En 94, quand il a été président. Donc vous aviez ouvert la bonne porte, quoi. Oui, exactement. Exactement. Je disais en introduction de cette émission, j'évoquais la mort d'Ahmed Kathrada hier, une funéraille aujourd'hui, je crois. C'était un personnage important. Très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nelson Mandela, dans l'ANC, a créé donc un mouvement de lutte armée qui s'appelait Onkut. Qui veut dire le fer de lance de la nation, et qu'il a voulu réunir là tous ceux qui combattaient l'apartheid et pas seulement les Noirs. Mmh. Et Ahmed Kathrada était président de l'Indian National Congress, le Congrès national africain, comme il y avait un Congrès national indien comme il y en avait un africain. Oui. Et il a été... Il faisait partie du petit groupe de dirigeants où il y avait Govan Mbeki, le père de Thabo qui succédera à Mandela. Il y avait Walter Sisulu, il y avait Kathrada, et puis il y avait des Blancs aussi. C'est-à-dire que Mandela voulait, pas un front uni, mais il voulait réunir déjà dans la lutte armée tout ce qui s'opposait à l'apartheid. Alors, finissez, je vous en prie. Non, mais c'est... Alors là, parce voilà. que vous avez... Et donc, c'est vraiment un hommage extraordinaire qu'on peut rendre à Ahmed Kathrada, qui l'a suivi, qui a été lui-même prisonnier à Robben Island, ensuite à Portsmouth, à Victor Vester, etc. C'est des gens comme Sisulu et Govan Mbeki qui ont passé 27 ans en prison à côté de Mandela. Voilà, je reprenais la parole parce que vous avez prononcé le mot d'apartheid, et je voudrais qu'on revienne sur cette notion d'apartheid. Car elle est, pour nous, la politique de ségrégation, de séparation, on l'a dit, mais je crois que c'est encore plus complexe. Oui, c'est plus complexe, parce qu'il y a deux plans. Il y a un petit apartheid, un apartheid mesquin, c'est ce que vous avez dit, les portes d'entrée réservées aux Blancs dans certains... Il y a une porte pour les Noirs, une porte pour les Blancs dans les bureaux de poste, il y a des toilettes réservées, il y a des bancs interdits dans les squares, c'est la ségrégation raciale qu'on imagine facilement. Et puis, il y a le grand apartheid. Et il faut se rappeler que c'est en 48 que le Parti national gagne les élections et met en route cette politique de l'apartheid. Il y a en Afrique du Sud, et c'était un des éléments sur lesquels s'appuyaient les Blancs, il y a les Blancs, bien sûr, il y a les Afrikaners descendants des Hollandais, il y a les anglophones, et puis il y a parmi les Noirs, il y a les Kosa, il y a les Zoulous, il y a les Venda, il y a les Tswana, il y a les Ndebele, et il disait autant de tribus, et les Blancs c'est une tribu parmi d'autres. Mmh. Et au moment où on commence à décoloniser l'Afrique, l'apartheid avait pour but de décoloniser l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que, par exemple, le Transkei, qui est un très grands territoires comme la Belgique le long de l'océan Indien est devenu effectivement indépendant. Sinon qu'aucun pays au monde ne l'a reconnu. Mais quand j'y suis allé, moi, il y avait une frontière, un garde-frontière, enfin, qui était assis sur un tabouret au bord de la route et qui était saoul comme un Polonais, si j'ose dire. Et il y avait un président, Matanzima, qui était d'ailleurs un cousin de Mandela. Vous voyez, on jouait sur tous les tableaux. Et l'objectif, c'était que tous les Noirs devaient retourner dans leur foyer national, leur homeland, qui allait devenir indépendant, les Zoulous au Zoululand, les Kosa au Transkei, etc. Et il n'y aurait plus de Noirs en Afrique du Sud. C'est une sorte d'épuration ethnique, ça? Oui, exactement. Hein? Chacun dans son pays. Simplement, les Blancs réservaient quand même 83% du territoire et les Noirs avaient le reste, quoi. Mais il faut savoir que ça a cassé des liens. Par exemple, quand Kaiser Matanzima, qui était président du Transkei, qui était un cousin de Mandela, alors que Mandela menait la lutte contre l'apartheid, c'était une façon de mettre un coin, de séparer les luttes et les hommes et les partis. Pardonnez-moi de vous bousculer un peu, mais le temps passe très très vite et on a beaucoup de choses à nous dire. Il nous reste 10 minutes. Alors arrive De Klerk, Frédéric De Klerk. Ça c'est important. Donc c'est le dirigeant du pays, un peu à la Gorbatchev, je trouve, parce que Il y a ce côté, je suis pragmatique, notre système il va dans l'impasse, donc c'est celui à la Gorbatchev, vous savez, qui ouvre le couvercle, ouais. pour pas que la marmite explose. Oui, enfin, il est un peu en service commandé, parce qu'il faut se rappeler qu'en 64, quand il y a eu le procès, qu'ils ont été condamnés à la prison à vie, on s'attendait à ce qu'ils soient pendus. Et à l'ONU, au Conseil de sécurité, il y a une résolution qui a été présentée par 3 pays d'Afrique, demandant simplement la clémence du tribunal. Et La résolution a été votée, moins 3 abstentions, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Premièrement. Deuxièmement, en 83, quand Gorbatchev, vous avez bien raison de le citer, arrive en Union soviétique, les Américains comprennent qu'il va se passer un phénomène historique dans l'histoire de l'URSS. Ils ne savent pas encore que c'est la fin de l'URSS. Et les Américains demandent au gouvernement sud-africain de trouver un interlocuteur et d'entamer des négociations. Et les négociations commencent en prison. On les a retirés déjà de la prison de Robben Island. Ils sont à Portsmouth, à côté du Cap. Et puis, on les amènera bientôt à Victor Vester, qui est à 50 km au nord du Cap. Et on installera Mandela dans la maison du directeur de la prison, qui est dans l'enceinte de la prison, parce que recevoir le ministre des Affaires étrangères, Pik Botha, ministre de l'Intérieur, qui vont discuter et dans mettre une cellule, au point... C'est pas possible. Et mettre au point, ça fait mauvais effet quand même, quoi. Et mettre au point les éléments de base sur lesquels va commencer la négociation. Et comme en 83, le président Botha, d'abord extrêmement fatigué, non, en 89, extrêmement fatigué, il va être mis en minorité par le Congrès du Parti National et on va nommer De Klerk pour que De Klerk soit celui qui entre dans l'histoire en ouvrant la discussion avec Mandela. Donc c'est effectivement à Gorbatchev la en service commandé. Voilà, c'est et ça, la guerre froide a joué un rôle très important dans cette histoire, comme elle a joué dans le monde entier un rôle très important. Alors au bout du compte, Mandela, De Klerk, un homme noir, un homme blanc, unis pour le pays, pour mettre fin à l'apartheid, ça c'est quand même un montage politique formidable, parce qu'il y a aussi toute la symbolique derrière. Absolument, et d'ailleurs De Klerk au départ veut en lâcher le moins possible, si j'ose dire. Et il y a même une séquence filmée où il y a la reprise des négociations et où Mandela se lève, va au micro et, excusez-moi du terme, il engueule De Klerk en lui disant que s'il continue comme ça, ça va très mal se terminer. Il n'est pas possible de vouloir faire des négociations et de refuser de discuter. Et on voit De Klerk qui se fait tout petit sur sa chaise qui est derrière Mandela. Et c'est Mandela qui mène le jeu, qui a l'histoire dans la main. Et comment réagit la population à ce moment-là? Est-ce qu'elle comprend ce qui est en train de se passer ou elle se dit bon... C'est un effort diplomatique. Enfin, ben, il y a énormément d'inquiétudes, parce qu'il y avait un titre d'un roman de Coetzee qui s'appelait Prix Nobel de littérature, qui s'appelait En attendant les barbares, et tout le monde attendait les barbares, et tout le monde se disait ça va se terminer en guerre civile, c'est épouvantable. Et ce qui se passe, le jour vraiment essentiel, c'est en 94, quand il y a les élections. Il y a des milliers de gens qui font la queue, Brink raconte ça dans un petit texte comme ça. Les Noirs et les Blancs font la queue en même temps. On va chercher à manger chez soi, on fait des pique-niques ensemble. Et tout d'un coup, ces élections que tout le monde craignait deviennent le premier pas de la liberté retrouvée grâce à Mandela. Alors on va venir à son œuvre en tant que président de réconciliation nationale. On va écouter les mots quand même de Nelson Mandela. En 2001, 10 ans après sa, 11 ans après sa libération, Nelson Mandela retourne dans sa cellule de la prison de Robben Island, désormais désaffectée. Il est accompagné par une caméra de la BBC. On va écouter son témoignage lu par Philippe Pirard. L'une des choses qui fut le plus difficile pour moi, c'est que je suis resté longtemps ici. Il y a eu des moments de joie, mais bien sûr, il y a eu aussi des grands moments de peine. Car l'une des pires choses que j'ai vécues, ce sont les violences psychologiques du régime de l'apartheid. Le fait est que je suis resté assis seul et que j'ai pu penser. Cela m'a donné une incroyable opportunité de changer ce en quoi je croyais. Plus tard, j'ai ressenti une part de honte parce que j'étais devenu trop impliqué dans la politique et le droit et que j'en avais oublié que les gens m'appréciaient et comptaient sur moi pour leur combat. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu président par nécessité, parce que la situation politique l'exigeait, qu'il voulait vraiment, il voulait pas le pouvoir, il le voulait ou pas? Non, mais il était quand même, en 94, celui qui avait négocié de 90 à 94, et il était donc le premier qui allait mettre en pratique le fruit des négociations, sortir de l'apartheid par le haut. Et il a eu un mandat de 5 ans, et où il a commencé à mettre en place, dans certains secteurs, par exemple, il y a un secteur auquel on ne pense pas, mais c'est l'accès à l'eau potable, qui est fondamental dans la vie. Eh bien, les Blancs avaient de l'eau potable sans problème, les Noirs devaient faire des kilomètres à la campagne, surtout. Petite anecdote, j'étais dans une station d'épuration du Transkei, qui était dans un état d'abandon lamentable. Il y avait un village à 200 mètres. C'était l'après-midi, la fin de la récréation, les enfants rentraient en classe et l'instituteur noir avait une bouteille d'eau minérale avec laquelle il donnait un verre d'eau potable à chaque enfant qui rentrait. Voilà, c'était ça aussi l'apartheid. Et ils ont entrepris, c'est le ministre Kader Asmal qui est devenu ensuite ministre de l'Éducation nationale, qui a mis en plan, il y avait la Lyonnaise des Eaux d'ailleurs qui a eu un contrat, ils ont réhabilité les stations d'épuration et ils ont fait des adductions d'eau pour que les gens aient l'eau potable. Ça a commencé comme ça. Pareil dans l'enseignement. Mais si les choses se sont dégradées après, c'est une autre histoire. Mais Mandela était celui, le seul véritablement, qui en 94 pouvait mettre en place les nouvelles données de l'Afrique du Sud. Par exemple, la Révolution française a détruit les provinces et a fait les départements pour casser l'image d'une société ancienne. Eh ben, il y avait 4 provinces en Afrique du Sud. Il y en a 11 aujourd'hui. Et le Transkei n'est plus le Transkei. C'est l'Eastern Cape, comme il y a Western Cape, qui est à l'ouest et l'autre à l'est. Et il y a une province, le Gauteng, qui est Pretoria, Johannesburg. C'est-à-dire que le pays, administrativement, a changé aussi. Voilà. C'est cet empilement de choses, on pourrait continuer comme ça, c'est cet empilement de choses que Mandela a pris en place. Et puis en 99, il avait fini son travail, il est rentré chez lui. Mission accomplie. Quoi. Mission accomplie. Mais est-ce qu'il a réussi, selon vous, la politique de réconciliation nationale ou pas? Oui, bah, pendant son pouvoir, hein, on terminera sur la situation de l'Afrique du Sud aujourd'hui, mais entre 1994 et 1999. Oui, parce que il y a la commission Vérité et Réconciliation qui a joué un rôle très très important. Vraiment, les flics qui avaient tué des gens dans les commissariats, qui avaient enterré les corps, qui avaient jeté les corps dans des torrents où il y avait des caïmans, etc. Ces gens ont pu venir s'expliquer devant les parents de celui qui était tué, quoi. Alors, devait y avoir des indemnités, ils n'ont pas toujours été très bien payés, mais c'est un pays très très religieux, et il y a eu même si c'est protestant et que les protestants n'ont pas de confession comme les catholiques, mais il y a eu un moment de défoulement par la parole publique. Et ça a été filmé. Il y a d'ailleurs un livre assez extraordinaire d'Anti Kroch, qui est une femme de la radio sud-africaine, qui a écrit un livre là-dessus, Country of My Skull, qui est traduit d'ailleurs par George Ory. Et puis il y a des films qui ont été tournés. Il s'est passé vraiment quelque chose. Et à partir de 99, c'est Thabo Mbeki qui est pas à la hauteur, je trouve. Comment être à la hauteur après un personnage emblématique aussi comme Mandela, c'est ça aussi. Ouais. Voilà. C'était une question qui était plutôt une observation parce que nous n'avons pas le temps de donner la réponse. Enfin, on est allé jusqu'à aujourd'hui. On a quand même réussi à voir l'évolution de ce pays Afrique du Sud. Et je vous en remercie, Jean-Guy Loiseau. Au revoir. Merci à vous. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, la vie et l'œuvre de Nelson Mandela, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le festival de Woodstock.